Small Flanders, 9e partie. Si nous avions continué ainsi, j'avoue que nous aurions eu bonne raison de nous vanter. Mais, disent les sages, il ne faut point s'aventurer trop près du bord d'un commandement. Et ainsi nous le trouvâmes. Et ici encore, je dois lui rendre la justice d'avouer que la première infraction ne fut pas sur sa part. Ce fut une nuit que nous étions au lit, bien chaudement, joyeux, et ayant bu, je pense, tous deux un peu plus que d'ordinaire, quoique nullement assez pour nous troubler, que je lui dis, je lui répète avec bonté et horreur d'âme, que je pouvais trouver dans mon cœur de le dégager de sa promesse pour une nuit et point davantage. Il me prit au mot sur le champ, et après cela, il n'y eut plus moyen de lui résister, et en vérité, je n'avais point envie de lui résister plus longtemps. Ainsi fut rompu le gouvernement de notre vertu, et j'ai changé la place d'ami pour ce titre mal harmonieux et de son rauque, qui est catin. Le matin, nous fûmes tous deux à nos repentailles. Je pleurai de tout cœur, et lui-même reconnut son chagrin. Mais c'est tout ce que nous pouvions faire l'un et l'autre. Et la route étant ainsi débarrassée, les barrières de la vertu et de la conscience renversées, nous eûmes à lutter contre moins d'obstacles. Ce fut une morne sorte de conversation que nous entretînmes ensemble le reste de la semaine. Je le regardais avec des rougeurs, et d'un moment à l'autre, je soulevais cette objection mélancolique. Et si j'allais être grosse maintenant, que deviendrais-je alors? Il m'encourageait en me disant que, tant que je lui serais fidèle, il me le resterait, et que, puisque nous en étions venus là, ce qu'en vérité, il n'avait jamais entendu, si je me trouvais grosse, il prendrait soin de l'enfant autant que moi. Ceci nous renforça tous deux. Je lui assurai que si j'étais grosse, je mourrais par manque de sage-femme, plutôt que de le nommer comme père de l'enfant, et il m'assura que je ne serais en faute de rien si je venais à être grosse. Ces assurances réciproques nous endurcirent, et ensuite nous répétâmes notre crime tant qu'il nous plut, jusqu'enfin ce que je craignais arriva, et je me trouvai grosse. Après que j'en fus sûre, et que je l'eus satisfait là-dessus, nous commençâmes à songer à prendre des mesures pour nous conduire à cette affaire. Et je lui proposai de confier le secret à ma propriétaire et de lui demander un conseil, à quoi il s'accorda. Ma propriétaire, femme, ainsi que je trouvais, bien accoutumée à telle chose, ne s'en mit point en peine. Elle dit qu'elle savait bien que les choses finiraient par en venir là, et nous plaisanta très joyeusement tous deux. Comme je l'ai dit, nous trouvâmes que c'était une vieille dame pleine d'expérience en ces sortes d'affaires. Elle se chargea de tout, s'engagea à procurer une sage femme et une nourrice, à éteindre toute curiosité, et à en tirer notre réputation nette, ce qu'elle fit en effet avec beaucoup d'adresse. Quand j'approchai du terme, elle pria mon monsieur de s'en aller à Londres ou de feindre son départ. Quand il fut parti, elle informa les officiers de la paroisse qu'il y avait chez elle une dame près d'accoucher, mais qu'elle connaissait fort bien son mari, et leur rendit compte, comme elle prétendait, de son nom, qui était Sir Walter Cleeve. leur disant que c'était un digne gentilhomme et qu'elle répondrait à toutes enquêtes et autres choses semblables. Ceci eut donné bientôt satisfaction aux officiers de la paroisse et j'accouchai avec autant de crédit que si j'eusse été réellement Milady Clive et fus assistée dans mon travail par 3 ou 4 des plus notables bourgeoises de Bath. Ce qui, toutefois, me rendit un peu plus coûteuse pour lui. Je lui exprimai souvent mon souci à cet égard, mais il me priait de ne point m'en inquiéter. Comme il m'avait muni très suffisamment d'argent pour les dépenses extraordinaires de mes couches, j'avais sur moi tout ce qu'il peut y avoir de beau. Mais je n'affectais point la légèreté ni l'extravagance. D'ailleurs, connaissant le monde comme je l'avais fait, et qu'un tel genre de conditions ne dure souvent pas longtemps, je prenais garde de mettre de côté autant d'argent que je pouvais pour quand viendraient les temps de pluie, comme je disais, lui faisant croire que j'avais tout dépensé sur l'extraordinaire apparence des choses durant mes couches. Par ce moyen, avec ce qu'il m'avait donné et que j'ai dit plus haut, j'eus à la fin de mes couches 200 guinées à moi, comprenant aussi ce qui restait de mon argent. J'accouchai d'un beau garçon, vraiment, et ce fut un charmant enfant. Et quand il l'apprit, il m'écrivit là-dessus une lettre bien tendre et obligeante, et puis me dit qu'il pensait qu'il y eût meilleur air pour moi de partir pour Londres aussitôt que je serais levée et remise, qu'il avait retenu des appartements pour moi à Hammersmith, comme si je venais seulement de Londres, et qu'après quelque temps je retournerais à Bath et qu'il m'accompagnerait. Son offre me plut assez, et je louai un carrosse à ce propos, et, prenant avec moi mon enfant, une nourrice pour le tenir et lui donner à téter, et une fille servante, me voilà parti pour Londres. Il me rencontra à Reading dans sa propre voiture, où il me fit entrer, laissant les servantes et l'enfant dans le carrosse de louage, et ainsi m'amena à mon nouveau logement de Hammersmith, dont j'eus abondance de raisons d'être charmée, car c'était de superbes chambres. Et maintenant, j'étais vraiment au point extrême de ce que je pouvais nommer prospérité, et je ne désirais rien d'autre que d'être sa femme par mariage, ce qui ne pouvait pas être. Et voilà pourquoi, en toutes occasions, je m'étudiais à épargner tout ce que je pouvais, comme j'ai dit, en prévision de la misère. Sachant assez bien que telle chose ne dure pas toujours, que les hommes qui entretiennent des maîtresses en changent souvent, en deviennent là, sont jaloux d'elles, ou une chose ou l'autre. Et parfois, les dames qui sont ainsi bien traitées ne sont pas soigneuses à préserver, par conduite prudente, l'estime de leur personne ou le délicat article de leur fidélité, dont elles sont justement poussées à l'écart avec mépris. Mais je m'étais assurée sur ce point, car ainsi que je n'avais nulle inclinaison à changer, ainsi n'avais-je aucune manière de connaissance, partant point de tentation à d'autres visées. Je ne tenais de société que dans la famille où je logeais et avec la femme d'un ministre qui demeurait à la porte d'auprès. De sorte que lorsqu'il était absent, je n'allais point faire de visites à personne et chaque fois qu'il arrivait, il ne manquait pas de me trouver dans ma chambre ou ma salle basse. Si j'allais prendre l'air, c'était toujours avec lui. Cette manière de vivre avec lui, autant que la sienne avec moi, était certainement la chose du monde où il y avait le moins de dessins. Il m'assurait souvent que lorsqu'il avait fait d'abord ma connaissance, et jusqu'à la nuit même où nous avions enfreint nos règles, il n'avait jamais entretenu le moindre dessein de coucher avec moi, qu'il avait toujours éprouvé une sincère affection pour moi, mais pas la moindre inclination réelle à faire ce qu'il avait fait. Je lui assurai que je ne l'avais jamais soupçonné là-dessus, et que, si la pensée m'en fût venue, je n'eusse point si facilement cédé aux libertés qui nous avaient amenés jusque-là, mais que tout cela avait été une surprise. Il est vrai que depuis la première heure où j'avais commencé à converser avec lui, j'avais résolu de le laisser coucher avec moi s'il m'en priait. Mais c'était parce que j'avais besoin de son aide et que je ne connaissais point d'autre moyen de le tenir. Mais quand nous fûmes ensemble cette nuit-là, et que les choses, ainsi que j'ai dit, étaient allées si loin, je trouvai ma faiblesse et qu'il n'y avait pas à résister à l'inclination. Mais je fus obligée de tout céder avant même qu'il le demandât. Cependant, il fut si juste envers moi qu'il ne me le reprocha jamais et jamais n'exprima le moindre déplaisir de ma conduite à nulle autre occasion, mais protestait toujours qu'il était aussi ravi de ma société qu'il l'avait été la première heure que nous fûmes réunis ensemble. D'autre part, quoique je ne fusse pas sans de secrets reproches de ma conscience pour la vie que je menais, et cela jusque dans la plus grande hauteur de la satisfaction que j'éprouvais, cependant j'avais la terrible perspective de la pauvreté et de la faim qui m'assiégeait comme un spectre affreux, de sorte qu'il n'y avait pas à songer à regarder en arrière, mais ainsi que la pauvreté m'y avait conduite, ainsi la crainte de la pauvreté m'y maintenait-elle. Et fréquemment je prenais la résolution de tout abandonner si je pouvais parvenir à épargner assez d'argent pour m'entretenir. Mais c'étaient des pensées qui n'avaient point de poids, et chaque fois qu'il venait me trouver, elles s'évanouissaient. Car sa compagnie était si délicieuse qu'il était impossible d'être mélancolique lorsqu'il était là. Ses réflexions ne me venaient que pendant les heures où j'étais seule. Je vécus 6 ans dans cette condition, tout ensemble heureuse et infortunée, pendant lequel temps je lui donnai 3 enfants. Mais le premier seul vécut, et quoique ayant déménagé 2 fois pendant ces 6 années, pourtant la 6e, je retournai dans mon premier logement à Hammersmith. C'est là que je fus surprise un matin par une lettre tendre, mais mélancolique, de mon monsieur. Il m'écrivait qu'il se sentait fort indisposé et qu'il craignait d'avoir un nouvel accès de maladie, mais que, les parents de sa femme séjournant dans sa maison, il serait impraticable que je vinsse auprès de lui. Il exprimait tout le mécontentement qu'il en éprouvait, ayant le désir qu'il me fût possible de le soigner et de le veiller comme autrefois. Je fus extrêmement inquiète là-dessus et très impatiente de savoir ce qu'il en était. J'attendis 15 jours ou environ et n'eus point de nouvelles, ce qui me surprit, et je commençai d'être très tourmentée vraiment. Je crois que je puis dire que pendant les 15 jours qui suivirent, je fus près d'être égarée. Ma difficulté principale était que je ne savais pas exactement où il se trouvait, car j'avais compris d'abord qu'il était dans le logement de la mère de sa femme. Mais m'étant rendue à Londres, je trouvai, à l'aide des indications que j'avais, afin de lui écrire, comment je pourrais m'enquérir de lui. Et là, je trouvai qu'il était dans une maison de Bloomsbury, où il s'était transporté avec toute sa famille, et que sa femme et la mère de sa femme étaient dans la même maison, quoiqu'on n'eût pas souffert que la femme apprît qu'elle séjournait sous le même toit que son mari. Là, j'appris également bientôt qu'il était à la dernière extrémité, d'où je pensais arriver à la mienne par mon ardeur à connaître la vérité. Une nuit, j'eus la curiosité de me déguiser en fille servante, avec un bonnet rond et un chapeau de paille, et je m'en allai à sa porte, comme si je fusse envoyée par une dame de ses voisines, à l'endroit où il vivait auparavant. Et, rendant des compliments aux maîtres et aux maîtresses, je dis que j'étais envoyée pour demander comment allait M. et comment il avait reposé pendant la nuit. En apportant ce message, j'obtins l'occasion que je désirais, car, parlant à une des servantes, je lui tins un long compte de commère, et je lui tirai tous les détails de sa maladie, que je trouvai être une pleurésie, accompagnée de toux et de fièvre. Elle me dit aussi qui était dans la maison, et comment allait sa femme, dont on avait quelque espoir, par son rapport, qu'elle pourrait recouvrer sa raison. Mais pour le gentilhomme lui-même, les médecins disaient qu'il y avait bien peu d'espoir, que le matin ils avaient cru qu'il était sur le point de mourir, et qu'il n'en valait guère mieux à cette heure, car on n'espérait pas lui voir passer la nuit. Ceci était une lourde nouvelle pour moi, et je commençais maintenant à voir la fin de ma prospérité et à comprendre que j'avais bien fait d'agir en bonne ménagère et d'avoir mis quelque peu de côté pendant qu'il était en vie, car maintenant aucune vue ne s'ouvrait devant moi pour soutenir mon existence. Ce qui pesait bien lourdement aussi sur mon esprit, c'est que j'avais un fils, un bel enfant aimable, qui avait plus de 5 ans d'âge, et point de provision faite pour lui, du moins à ma connaissance. Avec ces considérations et un cœur triste, je rentrai à la maison ce soir-là, et je commençai de me demander comment j'allais vivre et de quelle manière j'allais passer mon temps pour le reste de ma vie. Vous pouvez bien penser que je n'eus point de repos que je ne m'informasse de nouveau très rapidement de ce qui était advenu. Et n'osant m'aventurer moi-même, j'envoyai plusieurs faux messagers, jusqu'après avoir attendu 15 jours encore, je trouvai qu'il y avait quelque espoir qu'il pût vivre, quoiqu'il fût toujours bien mal. Alors je cessai d'envoyer chercher des nouvelles, et pendant quelque temps après, je sus dans le voisinage qu'il se levait dans sa chambre, et puis qu'il avait pu sortir. Je n'eus point de doute alors que je nouirais bientôt quelques nouvelles de lui, et commençai de me réconforter sur ma condition, pensant qu'elle fût rétablie. J'attendis une semaine, et 2 semaines, et avec infiniment de surprise, près de 2 mois, et n'appris rien, sinon qu'étant remis, il était parti pour la campagne, afin de prendre l'air après sa maladie. Ensuite, il se passa 2 mois encore, et puis je sus qu'il était revenu dans sa maison de ville, mais je ne reçus rien de lui. Je lui avais écrit plusieurs lettres et les avais adressées comme d'ordinaire. Et je trouvais qu'on en était venu chercher 2 ou 3, mais point les autres. Je lui écrivis encore d'une manière plus pressante que jamais, et dans l'une d'elles, je lui fis savoir que je serais obligée de venir le trouver moi-même, représentant ma condition, le loyer du logement à payer, toute provision pour l'enfant qui manquait, et mon déplorable état, dénué de tout entretien, après son très solennel engagement qu'il aurait soin de moi et me pourvoirait. Je fis une copie de cette lettre, et trouvant qu'elle était restée près d'un mois dans la maison où je l'avais adressée, sans qu'on fût venu la chercher, je trouvai moyen d'en faire remettre une copie dans ses mains à une maison de café où je trouvai qu'il avait coutume d'aller. Cette lettre lui arracha une réponse par laquelle je vis bien que je serais abandonné, mais où je découvris qu'il m'avait envoyé quelque temps auparavant une lettre afin de me prier de retourner à Bath. J'en viendrai tout à l'heure de son contenu. Il est vrai que les lits de maladie amènent des temps où des liaisons telles que celles-ci sont considérées avec des visages différents et regardées avec d'autres yeux que nous ne les avions vus auparavant. Mon amant était allé aux portes de la mort et sur le bord extrême de l'éternité et, paraît-il, avait été frappé d'un juste remords et de réflexions graves sur sa vie passée de galanterie et de légèreté. Et, entre autres, sa criminelle liaison avec moi, qui n'était en vérité ni plus ni moins qu'une longue vie continue d'adultère, s'était présentée à lui telle qu'elle était, non plus telle qu'autrefois il la pensait être, et il la regardait maintenant avec une juste horreur. Les bonnes mœurs et la justice de ce gentilhomme l'empêchèrent d'aller à l'extrême. Mais voici tout net ce qu'il fit en cette affaire. Il s'aperçut par ma dernière lettre et par les autres qu'il se fit apporter que je n'étais point parti pour Bath et que sa première lettre ne m'était point venue en main, sur quoi il m'écrit la suivante. Madame, je suis surpris que ma lettre datée du 8 du mois dernier ne vous soit point venue en main. Je vous donne ma parole qu'elle a été remise à votre logement et aux mains de votre servante. Il est inutile que je vous fasse connaître quelle a été ma condition depuis quelque temps passé, et comment, étant allée jusqu'au nord de la tombe, par une grâce inespérée du ciel, et que j'ai bien peu méritée, j'ai été rendue à la vie. Dans la condition où j'ai été, vous ne serez point étonné que notre malheureuse liaison n'ait pas été le moindre des fardeaux qui pesaient sur ma conscience. Je n'ai point besoin d'en dire davantage. Les choses dont il faut se repentir doivent aussi être réformées. Je serais désireux de vous voir songer à rentrer à Bath. Je joins à cette lettre un billet de 50 livres pour que vous puissiez liquider votre loyer et payer les menus frais de votre voyage. J'espère que ce ne sera pas pour vous une surprise si j'ajoute que pour cette raison seule, et sans aucune offense de votre part, je ne puis plus vous revoir. Je prendrai de l'enfant le soin qu'il faudra, soit que vous le laissiez ici, soit que vous l'emmeniez, comme il vous plaira. Je vous souhaite de pareilles réflexions et qu'elles puissent tourner à votre avantage. Je suis, etc. Je fus frappé par cette lettre comme de 1000 blessures. Les reproches de ma conscience étaient tels que je ne saurais les exprimer, car je n'étais pas aveugle à mon propre crime. Et je réfléchissais que j'eusse pu, avec moins d'offense, continuer avec mon frère, puisqu'il n'y avait pas de crime au moins dans le fait de notre mariage, aucun de nous ne sachant rien. Mais je ne songeais pas une seule fois que, pendant tout ce temps, j'étais une femme mariée, la femme de M, le marchand de toile, qui, bien qu'il m'eût quitté par nécessité de sa condition, n'avait point le pouvoir de me délier du contrat de mariage qu'il y avait entre nous, ni de me donner la liberté légale de me remarier. Si bien que je n'avais rien été moins pendant tout ce temps qu'une prostituée et une femme adultère. Je me reprochais alors les libertés que j'avais prises, et d'avoir servi de piège pour ce gentilhomme, et d'avoir été la principale coupable. Et maintenant, par grande merci, il avait été arraché à l'abîme par œuvre convaincante sur son esprit. Mais moi, je restais là comme si j'eusse été abandonné par le ciel pour continuer ma route dans le mal. Dans ces réflexions, je continuais très pensive et triste pendant presque un mois, et je ne retournais pas à Bath, n'ayant aucune inclination à me retrouver avec la femme auprès de qui j'avais été avant, de peur que, ainsi que je croyais, elle me poussât à quelque mauvais genre de vie, comme elle l'avait fait. Et d'ailleurs, j'avais honte qu'elle apprît que j'avais été rejetée et délaissée. Et maintenant, j'étais grandement troublée au sujet de mon petit garçon. C'était pour moi la mort de me séparer de cet enfant. Et pourtant, quand je considérais le danger qu'il y avait d'être abandonnée un jour ou l'autre avec lui, sans avoir les moyens de l'entretenir, je me décidai à le quitter. Mais finalement, je résolus de demeurer moi-même près de lui afin d'avoir la satisfaction de le voir sans le souci de l'élever. J'écrivis donc à mon monsieur une courte lettre où je lui disais que j'avais obéi à ses ordres en toutes choses, sauf sur le point de mon retour à Bath. Que bien que notre séparation fût pour moi un coup dont je ne pourrais jamais me remettre, pourtant j'étais entièrement persuadée que ses réflexions étaient justes et que je serais bien loin de désirer m'opposer à sa réforme. Puis je lui représentai ma propre condition dans les termes les plus émouvants. Je lui dis que j'entretenais l'espoir que ses infortunées détresses, qui d'abord l'avaient émue d'une généreuse amitié pour moi, pourraient un peu l'apitoyer maintenant, bien que la partie criminelle de notre liaison, où je pensais qu'aucun de nous n'entendait tomber alors, fût rompue désormais. Que je désirais me repentir aussi sincèrement qu'il l'avait fait, mais je le suppliais de me placer en quelques conditions où je ne fusse pas exposée aux tentations par l'affreuse perspective de la pauvreté et de la détresse. Et s'il avait la moindre appréhension sur les ennuis que je pourrais lui causer, je le priais de me mettre en état de retourner auprès de ma mère en Virginie, d'où il savait que j'étais venue, ce qui mettrait fin à toutes les craintes qui pourraient lui venir là-dessus. Je terminai en lui assurant que s'il voulait m'envoyer 50 livres de plus pour faciliter mon départ, je lui renverrais une quittance générale, et lui promettrais de ne plus le troubler par aucune importunité, à moins que ce fût pour demander de bonnes nouvelles de mon enfant que j'enverrais chercher, si je trouvais ma mère vivante et que ma condition était aisée, et dont je pourrais alors le décharger. Or, tout ceci était une duperie, en ce que je n'avais nulle intention d'aller en Virginie, ainsi que le récit des affaires que j'y avais eues peut convaincre quiconque. Mais l'objet était de tirer de lui ses dernières 50 livres, sachant fort bien que ce serait le dernier sou que j'aurais à attendre de lui. Néanmoins, l'argent que j'avais envoyé en lui promettant une quittance générale et de ne plus jamais l'inquiéter, prévalut effectivement, et il m'envoya un billet pour cette somme par une personne qui m'apportait une quittance générale à signer, ce que je fis franchement. Et ainsi, bien amèrement contre ma volonté, l'affaire se trouva entièrement terminée. J'étais maintenant une personne isolée, de nouveau, comme je puis bien m'appeler. J'étais déliée de toutes les obligations, soit de femme mariée, soit de maîtresse, qui fussent au monde. Excepté mon mari le marchand de toile, dont je n'avais pas entendu parler maintenant depuis près de 15 ans, personne ne pouvait me blâmer pour me croire entièrement libérée de tous. Considérant surtout qu'il m'avait dit à son départ que si je n'avais point de nouvelles fréquentes de lui, j'en devrais conclure qu'il était mort et que je pourrais librement me remarier avec celui qu'il me plairait.